suis pas français. C'est pas une question, c'est une suggestion. Je t'ai vu passer, puis j'ai aimé passer. Salut. Oh non, c'est où ça? Stéphanie. Ok. Moi, je crois que tu venais de l'Europe de l'Est. Moi, j'ai une amie ukrainienne qui te ressemble un petit peu. C'est nouveau, ça, on ne l'a jamais vu. Ah ouais? Ouais. Quand même, t'as pas des origines européennes de l'Est? De l'Est? Non, non, non, c'est France. Ok. De France? Ouais, comme les îles anglo-normandaises. Pas mal uruguayen aussi quand je parle. J'ai habité 2 ans en Uruguay, puis je viens juste de revenir. Ah oh, ouais? Donc je suis comme un peu. Ok, c'est pour ça que tu t'es amené avec toi. Non, je suis anthropologue. En fait, je l'ai enregistré, le piano. Ah, ok. La scène, dans le fond, j'ai enregistré la scène. Okay. Mais tu travailles pas avec lui? Non. Voyons, en fait, moi, ce que j'ai pensé que tu étais en train de voir les films de fantasy, machin. Ouais, non, j'ai checké ça. Je voyais qu'il y avait beaucoup de. Je les aime. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des choses comme moi. Ah, tu as enregistré ma voix. Mais oui, mais. Tu vas me mettre sur YouTube. Je vais t'éteindre.